Le propriétaire du magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, M. Ken Bennett, aimerait souhaiter à toute la population d'Albanel un bon festival de la Gourgane et félicite les nombreux bénévoles qui rendent l'activité possible. M. Bennett vous rappelle que le magasin Canadian Tire est le meilleur endroit pour les articles estivaux. Surveillez nos prochaines circulaires pour les nombreux spéciaux de la rentrée. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. On va se parler de golf avec notre ami Roger Caron. Salut Roger. Bonjour Danny, comment ça va? On va bien Roger, ça va bien parce qu'il y a il pleut ce matin. Je ne sais pas s'il pleut à Saint-Prime, mais à Dolbeau il pleut. Oui, on a eu un petit peu de pluie ce matin. Là présentement on est bien correct. Alors, un petit break ce matin pour que les gens puissent jouer le 18 trous. Mm. J'ai l'impression qu'après, ça va faire du bien pour nos verres, nos allées. Ah c'est... Alors, ça va être magnifique. J'ai vu ce matin dans le quotidien, je sais pas si tu as vu ça, un agriculteur qui dit que ça prend de la pluie parce qu'il reste deux semaines pour ses vaches. Ah oui. C'est comment cette critique, là? Oui, puis nous, je peux dire que aujourd'hui, là, on l'apprécie énormément. Parce que ça va faire vraiment du bien pour tout le terrain. Et puis, il n'y a rien de mieux qu'une bonne pluie naturelle. Oui, parce que je parlais avec Serge Cloutier hier, puis il me parlait des terrains de golf. Il disait que pour le Saguenay, lui, c'est sûr qu'il est plus au Saguenay, il disait que c'était trop chaud. Est-ce que tu enregistres ça aussi? Ben, nous, c'est la même chose. Ouais. La preuve, c'est qu'on est obligé, Danny, d'humecter nos verres à peu près à tous les 2 heures, 3 heures maximum. Okay. Ça veut dire de 3 à 4 fois par jour, on doit humecter nos verres entre 3 et 5 minutes, justement pour ne pas les perdre. Et puis, ça demande beaucoup de travail pour le surintendant et son équipe. OK. Donc, c'était la grosse activité de l'année à Saint-Prime en fin de semaine. Succès? Ouais. Ça a été vraiment un succès, Danny. On a eu ce qu'on appelle notre Saint-Prime Open. Ouais. On avait 144 joueurs, c'était fantastique. Une très, très belle participation. Une journée, là, mettons, des plus agréables. Le soleil est au rendez-vous, les gens étaient de bonne humeur. On a eu que vraiment des gens satisfaits. Alors, c'était vraiment, vraiment agréable de voir ça, de vivre ça. Et je peux te dire que déjà, les gens qui sont venus cette année nous ont dit, Roger, on va être de retour l'an prochain. Et puis, ça a été vraiment un succès. Comparons aux autres années, est-ce que c'est meilleur? Parce que c'est sûr que la formule était différente. La formule était différente. Je te dirais, regarde, un exemple, cette année, on avait 144 joueurs. Okay. L'an passé, il y avait 152 joueurs. Mais regarde, on aurait pu se rendre peut-être à 148, mais nous, ce qu'on voulait avoir, c'était deux quatuors par trou. Alors, à ce moment-là, on ne voulait pas se ramasser qu'il y ait 4 personnes qui jouent pendant 18 trous seuls. Mmh. Alors, c'est pour ça qu'on y allait par multiples de 8. Alors, mettons un exemple, 136, 144, 152. Alors, c'est pour ça qu'on est à 144 et c'était vraiment fantastique pour ça. Ça a bien été et on était très contents de cette participation. OK. Donc, c'est au net que vous allez regarder ça. Au net, ça donne quoi? Oui. Dans quel sens? Ben, au net, faites ça, c'est une activité en même temps de financement. Au net, moi, si tu vas voir, je suis très satisfait. Ouais. Cette année, de ce que ça nous a donné, autant par les inscriptions, parce qu'on a gardé quand même une cote pour ça, mais aussi par toutes les activités. On a eu la mafia du jeudi qui est un succès. On a eu le petit souper de pizza, la salade César qui est un succès. La tourtière le vendredi qui est un succès. Alors bref, si on regarde dans l'ensemble avec le bar, on est très, très, très satisfait de l'événement. OK. Là, il va se passer, il se passe quoi là cette semaine? C'est sûr qu'il pleut. Dans les vacances de la construction, c'est tranquille. C'est naturellement qu'on n'organise aucune activité parce que on a beaucoup de pages journalières. Ouais. Et on laisse les visiteurs venir nous rencontrer, venir voir notre terrain, profiter de notre terrain. Et puis, c'est ce qu'on demande. C'est de dire aux gens, venez nous rencontrer. On a des forfaits de quatuor à 120$. On a des forfaits duo à 70$ avec le quart, le panier de balle inclus. Nous avons aussi, toujours à la fin de la journée, à partir de 15h, mettons un exemple, 2 joueurs pour 40$ avec voiturette. Okay. Nous avons même des forfaits pour des neutrous. Mettons que quelqu'un dit, on arrête le temps de jouer un beau petit neutrous. On a un forfait quatuor neutrous pour 70$ avec les voiturettes comprises. Alors, c'est vraiment pas dispendieux. Mmh. Puis, on a un autre, mettons, un autre roue, n'importe quand, 40$ pour deux joueurs, autant à 8h, 9h, 10h dans l'avant-midi. OK. Et il y a aussi le Steak Golf qui doit être là encore cette année, j'imagine? Présentement, si on l'a pas d'année, présentement, okay. Parce que nous, on a nos petites mafias qu'on organise avec le marché Richelieu. Il n'y en a pas durant les vacances de la construction, mais tout de suite après, on revient avec ça. Et à venir à date, on a deux de fait. Ça a été vraiment un succès. Alors, puis ça nous en reste trois à venir en août et début septembre. Alors, okay. Vraiment, ça fonctionne très bien. Naturellement qu'on a le fil D au début d'août, le 5 août qui est chez nous. Et le 7 août, nous avons le tournoi régional senior. Alors, ça, c'est bien le fun avec ça. Alors, vraiment, on a des belles activités. Mais pendant les vacances de la construction, ben oui. On invite les gens à venir nous rencontrer. OK. Et ça va être très intéressant. OK. Donc, on se reparle la semaine prochaine? Parfait, Danny, avec plaisir. Et puis, à la semaine prochaine. C'est la chronique du club de golf de Saint-Prime avec Roger